Bonjour et bienvenue à notre édition de CNX.zip, l'émission où on compresse les chroniques CNX diffusées dans l'assemblage requis. Cette fois-ci, on compresse les chroniques de la semaine du 24 octobre 2011. On va parler entre autres de la voiture de retour vers le futur, la DeLorean, qui va être de retour mais en version électrique, de nouveaux projets de télévision de la part d'Apple, du 10e anniversaire du système d'exploitation Windows XP et de YouTube qui se lance dans la production d'émissions de télé sur Internet. Tout ça en plus de musique et de jeux vidéo. Adore cette édition de CNX.zip, mais on débute avec la chronique de lundi. Lundi. Et on commence la chronique CNX d'aujourd'hui avec Retour vers le futur. Prévu pour 2013, la célèbre voiture DeLorean sera totalement électrique. C'est la DeLorean Motor Company qui en a fait l'annonce. À milieu d'une batterie rechargeable en 3,5 heures, la voiture pourra parcourir approximativement 160 km avant d'être rechargée de nouveau, selon un article de Maxi Science. Elle pourra atteindre une vitesse de 200 km/h pour ceux qui auront envie de mettre la vie des autres en danger, dit l'article. Le véhicule passera de 0 à 95 km/h en 4,9 secondes, idéal pour remonter le temps. La voiture va être équipée au goût du jour avec notamment une station d'accueil pour iPhone. Vous pouvez commencer à économiser votre argent tout de suite, par contre, parce que ça va coûter environ 100 000 $. Qu'on se rassure tout de suite, nous dit l'article, il ne sera pas nécessaire qu'un éclair de 1,21 gigawatt frappe la voiture pour qu'elle fonctionne. C'était comme ça dans le film Retour à la future. Avant que la célèbre trilogie ne la rende très populaire, la DeLorean DMC-12 fut un échec commercial vendu à moins de 10 000 exemplaires. C'est pas beaucoup. On continue avec un écran auto-nettoyant pour Microsoft. De nos jours, entre les téléphones intelligents, les tablettes et les PC tout en un tactile, l'écran collecte à la fois la poussière, mais également de nouveaux germes. On en parlait d'ailleurs récemment avec l'étude sur les téléphones avec des traces fécales dessus. En partant de ce constat, Microsoft a imaginé un écran auto-nettoyant. Le clavier virtuel a un avantage certain, on dit « fini les miettes qui tombent entre les touches », mais il reste cependant un peu salubre. Selon une étude publiée en 2010 par l'Université de Stanford, un carré de 2,5 cm de côté sur l'écran de votre téléphone intelligent accueillerait environ 25 127 germes. Plutôt que de développer un quelconque liquide nettoyant miracle, Microsoft a décidé de plancher sur la stérilisation par ultraviolet. Concrètement, les germes sont sensibles aux basses longueurs d'onde envoyées par les rayons ultraviolets. La technologie est déjà connue des laboratoires de recherche puisqu'ils utilisent ce procédé-là pour stériliser leur environnement. Pour ce faire, Microsoft envisage donc d'ajouter derrière l'écran, à côté de la petite lumière qui permet le rétroéclairage, une seconde lumière LED LED envoyant des rayons UV. L'activation de cette LED serait également couplée au capteur de proximité, de telle sorte que si une personne est sur le point d'utiliser l'écran, le processus de stérilisation va être arrêté pour n'être réactivé que lorsque le capteur ne détectera plus de présence. Cette technologie connaîtra sûrement un grand succès une fois commercialisée. On pourrait penser par exemple aux hôpitaux, aux écoles qui vont adorer cette idée-là. Maintenant, parlant d'innovation, voici un appareil photo qui fait la mise au point a posteriori, donc après avoir pris la photo. Début 2012 sortira Litro, une petite machine ambitionnant de révolutionner le marché de la photographie. C'est le premier appareil plein optique grand public qui permet de faire la mise au point après la prise de vue. Litro matérialise son concept singulier dans une forme non moins singulière. Ces images vivantes seront issues d'un boîtier oblong et coloré, évoquant davantage un kaléidoscope qu'un compact classique. Ren Heng, fondateur et PDG de Litro, explique dans un communiqué de presse en date du 19 octobre dernier que la technologie permettant de capturer la totalité d'un champ de lumière, ce qu'on appelle la light field photography, n'était jadis possible qu'en laboratoire avec 100 appareils reliés à un supercalculateur. Aujourd'hui, elle est accessible à tous grâce à un appareil petit, puissant, mais aussi simple d'utilisation. Ils disent, je cite, nous voulons changer à jamais la façon dont les gens prennent et vivent leurs photos. Ces dimensions réduites, 41 par 41 par 112 mm, permettent à Litro de tenir dans la poche, mais ne l'empêche pas d'embarquer un zoom optique 8X à ouverture constante, un capteur de champ lumineux capable d'enregistrer 11 millions de rayons lumineux et un écran LCD multitouche de 1,46 pouces. Litro est le seul appareil photo grand public autorisant à mettre au point ses clichés après, a posteriori, mais Adobe planche sur un outil de défloutage. Le terme défloutage là, pour enlever le flou, destiné à Photoshop, un prototype de cette fonction qui corrigerait les flous de bouger des photos et leur rendrait leur netteté, a fait l'objet de démonstrations lors du colloque Adobe Max. Le Litro est disponible en précommande sur le site litro.com, ça c'est L-Y-T-R-O.com. Deux modèles existent, un bleu électrique ou graphite. Graphite, c'est un genre de gris, dont les 8 gigs représentent 350 photos au prix de 400$, et un modèle rouge de 16 gigs, ça c'est 750 photos pour 500$. Maintenant, bonne nouvelle pour les sites Internet de journaux. L'audience bondit de 20%. suis quand même surpris parce que je pensais vraiment que ça fonctionnerait pas, ces affaires-là. L'audience des sites Internet des journaux américains a bondi de 20% en un an en septembre, en dépit de l'expansion des formules payantes, selon une étude de l'Association nationale des journaux, ça c'est la NAA, qui a été publiée la semaine passée, jeudi. Cette forte progression de l'audience a coïncidé avec l'introduction de formules payantes dans beaucoup de groupes de presse, c'est ce que l'a souligné la directrice générale de la NAA. Les chiffres publiés montrent que, qu'outre l'augmentation de la fréquentation des sites, les internautes passent plus de temps sur leurs pages, augmentation de 11%, et consultent plus de pages, donc 10% d'augmentation. C'est la première fois que la NAA est en mesure de fournir une comparaison sur un an, sur la base d'une étude réalisée par le cabinet ComScore. Au total, 64% des internautes adultes fréquentent des sites Internet de journaux, soit un total de 110,4 millions d'adultes qui, selon la NAA, représentent des catégories particulièrement prisées des annonceurs. 74% de ces lecteurs gagnent plus de 100 000 $ par année. 58% sont âgés de 18 à 34 ans et 62% ont des enfants vivant avec eux. Les recettes publicitaires glanées par les journaux sur Internet ont augmenté de 8% en un an et représentent désormais 14% du total de leurs recettes publicitaires, une progression de 2 points en un an. Quand même, hein? Les sites Internet de journaux payants, ça fonctionne. Il faut croire que, étant donné que ça coûte pas beaucoup d'argent par année, les gens préfèrent avoir des sources crédibles d'informations plutôt que de les prendre sur des sites gratuits, tant mieux. Maintenant, parlons du premier parc au monde dédié aux Segway. Vous vous rappelez peut-être les Segway, c'est l'espèce de véhicule qui ressemble à un pogo stick de dans le temps. Tu mets le bout dessus et puis tu peux pencher par en avant avec les poignées. Tu penches par en avant, tu avances de plus en plus vite et par en arrière pour freiner, je pense, et puis tu peux aller sur les côtés, évidemment. Donc, le premier parc au monde dédié aux gyropodes Segway. Segway étant la marque, on utilise le mot gyropode pour l'appareil en tant que tel, si disons il y avait d'autres compagnies qui en faisaient. Donc, c'est ouvert depuis vendredi au Danemark. Les amateurs peuvent évoluer sur cette plateforme propulsée électriquement dans un décor miniature du Grand Parc national américain de Yellowstone. C'est le propriétaire de Segworld qui dit, je cite, « Nous avons 6000 mètres carrés, nous avons construit une copie du parc national de Yellowstone avec des montagnes, des chutes d'eau et des pistes allant du granit au coquillage en passant par toutes sortes de surfaces. » Le parc a été construit à Aarhus, qui est la deuxième ville du pays au Danemark. Je cite encore, une balade dans le parc est un mélange entre un tour en tapis volant et du ski dans les Alpes. Et pour ceux qui veulent faire la course, nous avons des appareils automatiques de chronométrage. Ça, c'est quand même bien. Le gyropode Segway à balancier est un moyen de transport individuel. On le disait, constitué d'une plateforme montée sur deux roues et propulsée par un moteur électrique. Ça peut aller à une vitesse jusqu'à 19 km/h, ce qui est plus rapide que je pensais, bien honnêtement. Le Segworld est le premier parc de ce genre au monde et il le sera pendant longtemps, dit le propriétaire. Les premiers tests sur les pistes du parc ont montré que les femmes étaient de meilleures débutantes que les hommes aux commandes d'un Segway. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus prudentes au début. Les hommes y vont sans réfléchir et se retrouvent sur les fesses. Côté sécurité, les installations ont déjà été approuvées par la police et par l'Institut danois de technologie, un organisme indépendant assurant un lien entre les technologies et leurs applications dans la société. En jeu vidéo maintenant, si vous vous rappelez, à l'émission de jeudi, on avait parlé d'une annonce que Nintendo ferait vendredi. Ben, ça a été annoncé. Nintendo a tenu une conférence de presse visant à dévoiler ses plans en ligne pour la console Nintendo 3DS et la Wii. On a appris que le service de visionnement Hulu Plus sera lancé pour ces consoles et que plusieurs jeux téléchargeables sont en route pour la eShop. Ça, c'est la boutique de jeux de la 3DS. Le service Hulu Plus vous permettra de regarder des films et des milliers d'épisodes télévisés, dont les saisons complètes de séries à succès comme, entre autres, Glee, House et Grey's Anatomy. Des séries classiques vont aussi être proposées, dont Battlestar Galactica et Lost. Hulu Plus va coûter 8 $ par mois avec des publicités limitées. Par ailleurs, à la fin du mois de novembre, une mise à jour de la 3DS sera lancée et ça va ajouter plusieurs options, dont certaines dont on avait parlé. Vous allez pouvoir enregistrer des films en 3D d'une durée maximale de 10 minutes chacun et créer des vidéos 3D en stop motion. Elle va aussi y avoir de nouveaux casse-têtes pour le mode Mi Plaza, mais ça, on s'en fout un petit peu. Au niveau de la eShop, Nintendo propose dès aujourd'hui un logiciel d'image 3D mettant en vedette des personnages de Shrek. Ça coûte 2 $. La firme va aussi offrir plusieurs jeux et logiciels au cours des prochains mois. Vous pouvez aller voir la liste sur assemblagerequis.com. Je dirais que, tu sais, comme annonce, je sais pas, conférence de presse pour ça, pas sûr. Il me semble que c'est pas grand-chose pour convaincre les gens. Je trouve que la baisse de prix qu'ils avaient annoncée et qui était mise, à profit. Alors, peut-être pas pour eux autres, peut-être moins de profit. Mais bref, ça convainquera peut-être plus de monde que des films en 3D. Je suis pas sûr. Allons-y avec la prochaine Xbox maintenant. La prochaine Xbox devrait être présentée lors de l'édition 2013 du salon E3, la grosse foire des jeux vidéo. C'est selon le site developonline.net. Les informateurs du site sont des industriels, fondeurs de processeurs, fabricants et développeurs. Ainsi, selon eux, Microsoft préparait l'arrivée d'une nouvelle Xbox. Bon, on s'attend tous à ce qu'il y ait une prochaine console de chaque console. Là, c'est bien normal qu'ils travaillent là-dessus bien longtemps à l'avance. Mais là, c'est d'avoir la date qui est quand même intéressant. Présentée en juin 2013 pendant le salon de l'E3, selon Develop Online, elle sortirait dans les mois qui suivront, donc après juin 2013. Il l'annoncerait en juin, mais ensuite, ça sortirait dans les mois suivants. Pour l'instant, le nom de code et Xbox Next, qui, si je me souviens bien, était aussi le nom de code de la Xbox 360 avant. En tout cas, c'est comme ça que les gens l'appelaient. Je ne sais pas si Microsoft, en tant que tel, utilisait ce nom-là. Microsoft a évidemment refusé de commenter cette information pour le moment. Les rumeurs se sont fondées sur plusieurs indiscrétions. Lionhead Studios serait en train de plancher sur un Fable Next, suite de la saga de Peter Molyneux. Electronic Arts serait déjà des projets de jeu pour cette console-là. Et d'ailleurs, EA n'a ni infirmé ni confirmé cette information. En revanche, EA a totalement nié avoir une version rudimentaire d'un kit de développement. Kit de développement, c'est ce qui permet évidemment aux compagnies de pouvoir travailler sur ce qui ressemble à la console qui s'en vient de pouvoir faire ses tests là-dessus. Quoi qu'il en soit, la machine à rumeurs vient de s'emballer. Là, on est parti jusqu'à la sortie. Hein. Ça va être ça. Ça va être les rumeurs pour la prochaine Xbox, c'est sûr. Un peu comme, comme toutes les autres consoles depuis le début des temps. Hein. Reste à savoir quand et par quoi ils vont remplacer donc, leur Xbox 360. On ne sait pas encore si ce nom-là va coller. On rappelle que la Wii U de Nintendo va débarquer dans les salons en 2012. Et d'ailleurs, question de continuer la lignée. On parle de la PlayStation 4. Évidemment, c'est un nom provisoire. Le constructeur serait lui aussi au travail, mais avec des objectifs plus lointains. Il faut pas oublier que Sony entend maintenir la PS3 pendant une dizaine d'années. C'est ce qu'ils ont dit. D'après les données réunies par Develop Online, il ne faudrait pas s'attendre à un lancement avant 2014. Donc, ça ferait la Wii U entre avril et décembre 2012, la Xbox Next à la fin 2013 et la PlayStation 4 en 2014. Ça fait beaucoup d'argent, hein? Voilà pour les nouvelles. On continue avec les trouvailles que je fais sur Internet aujourd'hui, pourquoi pas. TheBurningHouse.com, concept qui pourrait peut-être paraître un petit peu anodin ou plate pour d'autres, mais bon, on vous demande si votre maison brûlait, qu'amèneriez-vous avec vous? Hein? Un conflit entre ce qui est pratique, ce qui a de la valeur monétaire et de la valeur sentimentale. Donc, on vous demande sur ce blog-là, TheBurningHouse.com, de prendre une photo de ce que vous amèneriez si votre maison prenait en feu. Donc, par exemple, sur la page d'accueil, en ce moment, c'est Jay Richards, de 22 ans, South Wales, qui n'a pas d'emploi. Hein? Il dit, bon, il amènera entre autres son livre The Hobbit, un sac qu'on lui a donné, son journal intime, un carnet pour faire des petits dessins, une boîte de photos, son disque dur externe, au moins 3 bombes pour les lèvres. Hein? Fait que les gens marquent vraiment n'importe quoi. Sérieusement, ta maison prend un feu, puis là, tu vas vraiment aller chercher ton lipsil, pour vrai, là. Pour vrai, pour le site. Ou sinon, peut-être qu'ils veulent que les gens se fassent un genre de petit sac banane avec toutes leurs affaires dessus, juste au cas où ta maison prenne un peu, comme ça, t'as juste à amener ton sac. N'importe quoi. Mais bon, TheBurningHouse.com, juste pour voir qu'est-ce que les gens amèneraient, juste pour peut-être rire de certains. Ça, c'est cute, par exemple. Le gars de Jay Richards, il amènerait spaghetti qui est son petit cochon d'Inde. Oh, c'est cute. Continuons avec une galerie sur Google+, c'est par Serge K. Keller, ça s'appelle le Early World Wide Web, The Early World Wide Web, allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. C'est une galerie donc de photos éparpillées un petit peu comme ça, et on peut mettre la main dessus et cliquer, et là ça va nous zoomer une page telle qu'elle avait l'air au début des internets. Hein. Par exemple, disons, bon, la page d'accueil d'Alta Vista telle qu'elle était en octobre 96, la page de Google en 97, celle du New York Times en novembre 96, donc vraiment tu peux voir de quoi avait l'air l'internet dans ce temps-là, c'était vraiment pas beau. On s'entend même, je veux dire, même à cette époque-là, on trouvait ça là. Hein. C'est vraiment laid. En tout cas, allez voir, c'est super intéressant comme projet. C'est The Early World Wide Web sur assemblagerequis.com. Continuons avec le site titlescream.com. Celui-là m'intéresse vraiment beaucoup. C'est des captures d'écran. En fait, même plus que des captures, parce qu'une capture ne bougerait pas. C'est un vidéo stop motion, presque, de plusieurs jeux vidéo. 8 bits et 16 bits, donc dans le temps des Super Nintendo, la NES, Genesis, paquet d'affaires comme ça. Donc vraiment, tu cliques sur la page couverture, presque le logo, si on veut, du jeu. Et là, il apparaît à l'écran. Et s'il était animé dans la version originale, ben, ça va vous montrer la version animée. Donc là, je regarde Super Mario Kart de 1992. Et puis tu vois les voitures avancer sur du gazon puis se faire taper par des grosses carapaces de tortue. C'est super intéressant. T'as aussi, disons, je sais pas, Contra. Et tout ça apparaît par-dessus l'écran. C'est super bien fait. Metroid, des différents Street Fighter. Donc non, vraiment une très très bonne idée. C'est titlescream.com. Et voilà pour la collection X. On va se quitter avec un petit peu de chiptune, encore comme on aime le faire une fois de temps en temps. C'est l'artiste Roboctopus, comme un robot pieuvre. Là. La pièce s'appelle Imaginary Worlds, Chip Acoustic Guitar, Synth, etc. Et puis ça, Roboctopus à CNX, sur C'est Fou.